fumare soltanto la mia Mary Jane. Vuole sfrecciare a 200 soltanto con me. Sa che sti soldi non valgono niente per me. Vuole toccare le nuvole come su un jet, ma solamente con me. E sa che non avevo nulla, no. Sa che mi prenderò tutto sì prima o poi. E neve con tanti nella Louis Vuitton. Sporchi con tanti no che non faceva per noi. Un giorno saremo ricchi fidati di me. So che non hai fretta, forse ce ne ho più io di te. Guardare il mondo da sopra le nuvole, non più da Google Maps, su un volo Emirates. E vuole fumare soltanto la mia Mary Jane. Vuole sfrecciare a 200 soltanto con me. Sa che sti soldi non valgono niente per me. Vuole toccare le nuvole come su un jet, ma solamente con me. Faut de bitch pour compter ce liquide quand j'en ai trop. T'aurais pas pensé qu'on serait venu là, on revient sûrement bientôt. Taille au sol pour poteau parti, rentre au beurre d'évêque des maîtres. On était venu pour boire un verre, pas contrarier la fête, non. Les poils et ma restrangulation, j'ai ses aides en main. Ces PD disaient qu'il y avait rien pour nous vendre du rêve. Mago a un vrai gars, donc elle a vraie chaussure Chanel. 300 kilos de Mary Jane dans un Mercedes-Benz. Cheveux blonds de jolie, pas peur de devenir un gamin. J'suis célèbre à Milan, j'ai pas demandé ton nom, j'ai demandé combien. Ça fait pour 10 000 mes potos chauds, tes potos tiens. T'as peu jusqu'en s'habiter, j'ai jamais demandé le rêve. J'rêve de les fumer sans réflexion, c'est bien mérité. On y va, j'écharpe ou ton rêve a foutu son combien. Je l'ai pas dit s'il savait d'où on vient, peut-être qu'il a fermé. Sûrement tous les regards comme nouveau-né, la nuit j'parle au diable, sans sur les mains. Pense à moi comme si je t'aime, j'avais.